haine perverse. Un con ceux qui n'ont que ce bout de trottoir pour se nourrir qu'un jour sur deux. Pourquoi doit-on fermer les yeux et puis choisir de quel côté faut-il venir? Pas de fortune, mais juste assez pour tenir chaud chez eux dehors. Qui s'arrange, qu'on me le dise, de vouloir vivre dans cette méprise de ces promesses que l'on ne tient. Hippie qui pioche des bouts de rien pour être encore là demain. Activité au nom déclaré, ça fait parler à des scènes perverses. Mais dans le quartier de tous les commerces, là où on vient les déloger, tous ceux qui viennent et qui se pressent pour n'y rechercher l'espoir est livré. Activité non déclarée, ça fait parler à l'Assemblée. Activité non déclarée, ça fait parler à l'Assemblée. Activité non déclarée, ça fait parler, ça fait parler, ça fait parler, ça fait parler. fait parler dans cette putain d'assemblée.